midi. Radio Campus est cette année encore partenaire du festival Latitude Contemporaine. Chaque mercredi à 17h, retrouvez dans l'émission Quoi de Neuf l'actualité et les échos de ce festival pas comme les autres, dont vous pouvez retrouver le programme sur le site latitudecontemporaine.com. Nous habitions tous ensemble sur nos collines d'autrefois, où l'eau court, où le buisson tremble, dans la maison qui touche au bois. Elle avait 10 ans et moi 30, j'étais pour elle l'univers. Oh, comme l'herbe est odorante sous les arbres profonds et verts. Elle faisait mon sort prospère, mon travail léger, mon ciel bleu. Lorsqu'elle me disait mon père, tout mon cœur s'écriait mon Dieu. À travers mes songes sans nombre, j'écoutais son parler joyeux, et mon front s'éclairait dans l'ombre à la lumière de ses yeux. Elle avait l'air d'une princesse quand je la tenais par la main. Elle cherchait des fleurs sans cesse et des pauvres dans le chemin. Elle donnait comme on dérobe, en se cachant aux yeux de tous. Oh, la belle petite robe qu'elle avait, vous en rappelez-vous? Le soir auprès de ma bougie, elle jasait à petit bruit, tandis que la vitre rougit heurtaient les papillons de nuit. Les anges se miraient en elle, que son bonjour était charmant. Le ciel mettait dans sa prunelle ce regard qui jamais ne ment. Oh, je l'avais si jeune encore vu apparaître en mon destin. C'était l'enfant de mon aurore et mon étoile du matin. Quand la lune claire et sereine brillait aux cieux dans ces beaux mois, comme nous allions dans la plaine, comme nous courions dans les bois, puis vers la lumière isolée, étoilant le logis obscur, nous revenions par la vallée, en tournant le coin du vieux mur. Nous revenions, cœur plein de flammes, en parlant des splendeurs du ciel. Je composais cette jeune âme comme la belle fait son miel. 12 ans, je grandis de pensée. Elle était gaie en arrivant. Toutes ces choses sont passées comme l'ombre et comme le vent. Attention s'il vous plaît, veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Oui, bonjour à toutes et à tous, et excusez-nous pour ce petit retard, indépendant de notre volonté. Donc vous écoutez Radio Campus... angle d'attaque sur Radio Campus, et vous faites bien, puisque c'est l'heure justement d'angle d'attaque, même si on démarre avec un peu de retard. L'émission proposée par les trois attaques de la métropole lilloise. Alors, attaque, A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Avec aux manettes Jean-Jacques, maître de la technique et du temps. Salut! Et Ludovic, Didier et moi-même comme animateurs de l'émission. Christian ne sera pas avec nous aujourd'hui, étant absent jusqu'au début juillet. Aujourd'hui, nous allons traiter des thèses de Bernard Friot, tels que la cotisation, le salaire à vie, etc. Donc, une alternative possible, peut-être, au capitalisme et à la marchandisation toujours plus envahissante de notre quotidien. Un autre modèle de société, en somme. Comment cela fonctionnerait-il ? Est-ce réalisable dans le contexte actuel ou à plus long terme ? Quel changement dans notre vision des choses cela implique-t-il ? Voilà, c'est ce que nous allons aborder avec notre invité, Xavier Morin, du réseau Salariat de Lille. Bonjour. Oui. Bonjour Xavier, et merci d'avoir accepté notre invitation. Et c'est Ludovic qui démarre l'interview. Ludovic, à toi. Alors, juste peut-être en prélude, est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce qu'est Réseau Salariat, peut-être présenter un peu rapidement? Oui, alors Réseau Salariat, c'est une association d'éducation populaire qui existe depuis 2011. Elle s'est formée à partir de militants qui ont incité Bernard Friot, suite à un certain succès de son livre sur la retraite en 2010, à créer une structure militante et de lui donner la forme de l'éducation populaire ouverte à tous. Donc c'est très différent d'un parti politique. Et donc là la structure a maintenant 10 ans, elle a bien évolué depuis, elle a changé de forme statutaire il y a 3-4 ans. Et elle s'organise en groupes locaux à travers toute la France, ainsi qu'en Suisse et en Belgique. Donc, pour introduire donc l'émission, je vais donc parler du salaire à vie donc de Bernard Friot. Donc, depuis plusieurs années, depuis au moins une quinzaine d'années, Bernard Friot défend l'idée d'une rupture avec le capitalisme par la création de ce qu'il appelle un salaire à vie. Donc, cette proposition s'inscrit dans un processus de dépassement du capitalisme, au sens où son enclenchement n'est pas conditionné par l'abolition du capitalisme, mais à terme, y conduit. Donc la perspective de Friot s'inscrit dans l'anticapitalisme, et le mot communisme est d'ailleurs... Friot s'inscrit dans se revendique du communisme. Donc la proposition de Friot vise à l'effacement de la propriété lucrative des entreprises, en d'autres termes, l'accaparement de la valeur ajoutée par le propriétaire et l'exclusivité de son pouvoir décisionnel, en transférant progressivement la propriété d'usage, on reviendra sur toutes ces notions, aux salariés. Donc cette proposition de salaire à vie repose sur l'idée que chaque citoyen adulte, quel que soit son statut, son passé scolaire, etc., produit de la valeur sociale. En cela, il recevrait donc toute sa vie un salaire donc à vie, donc fondé sur la qualification, et sanctionné par un jury, on reviendra sur le jury en question. Donc Bernard Friot propose 4 niveaux de salaire allant de 1 750 € à 5 000 €. Et donc lorsqu'il propose de transférer la propriété d'usage des entreprises aux salariés, il ne prétend pas que cela puisse se faire du jour au lendemain. Et on reviendra là-dessus aussi sur le processus, sur la manière dont Friot pense la... Donc l'idée, c'est de... Voilà, donc le caractère inédit de ce salaire à vie est qu'il s'inscrit dans ce qu'il appelle un déjà-là du communisme. Et le déjà-là du communisme repose sur deux éléments. Le premier, c'est la sécurité sociale, et le deuxième, c'est la fonction publique. En effet, le salaire à la qualification, donc le salaire à vie, est celui de la fonction publique, et le financement de ce salaire à vie est fondé sur le principe de la sécurité sociale. Pour le dire autrement, des caisses de salaire récupèrent les cotisations nécessaires, dans le modèle donc proposé par Friot, et les reversent sous forme de salaire à vie aux citoyens. Les salaires sont donc entièrement socialisés et le salaire est séparé de l'emploi. Donc un travailleur non employé touche le salaire auquel sa qualification lui donne droit. Les travailleurs sont ainsi libérés du fonctionnement du marché du travail et les entreprises de la nécessité de générer du profit, puisque les investissements sont également financés par des caisses de socialisation. Ceci dit, Bernard Friot conserve, mais là on y reviendra aussi, une place au marché qu'il considère être, je cite, un bon allocateur de l'activité économique, même s'il entend limiter la place en démarchandisant outre le travail, le logement, les transports ou l'énergie. Donc il existerait donc une concurrence marchande non capitaliste, où les entreprises seraient incitées à améliorer leur productivité pour réduire leurs coûts intermédiaires et donc leurs prix. Est-ce que, pour donc commencer à donc là j'ai voilà présenté très très succinctement le salaire à vie, Friot donc parle de ces deux modèles de ces éléments d'un déjà là communisme. Est-ce que tu pourrais revenir sur l'un des éléments, à savoir la sécurité sociale? En quoi la sécurité sociale, notamment en 1945, apparaît comme un élément qui vient subvertir le capitalisme? Alors d'abord, il faut rappeler que la sécurité sociale existe bien avant 46, et non pas 45. Elle existait déjà à la fin du 19e siècle, mais dans une forme totalement capitaliste, c'est-à-dire que c'est les patrons qui gèrent des caisses. Il y a des milliers de taux différents de cotisation, c'est entreprise par entreprise, en fonction des forces en présence, des luttes syndicales et des... voilà. Donc parfois, il y a des caisses où on arrive à avoir, par exemple, 4,5% dans une caisse qui va répondre aux besoins en cas de maladie, par exemple. Dans d'autres entreprises où les syndicats ont pris du poids et sont beaucoup plus puissants, ça peut monter à 10, 12, 15, voire même jusqu'à 17% à l'époque. Donc il y a des milliers de taux différents. C'est un peu au petit bonheur la chance des luttes, hein, et des situations concrètes. Et donc c'est déjà une... C'est la base historique, il ne faut pas croire qu'elle est communiste d'emblée. Ce qui se passe en 1946, c'est là que vraiment il y a une véritable révolution. D'ailleurs, nous, on n'en parle pas en tant que sécurité sociale, mais en tant que régime général, et le mot général en dit long, le régime général de la sécurité sociale, donc qui devient obligatoire sur l'ensemble du territoire avec un taux unique de cotisation sociale, et là qui génère non seulement du salaire à vie, au niveau statutaire pour les travailleurs, par exemple dans le secteur de la santé, mais aussi par exemple pour les retraités, mais aussi de l'investissement sous forme de subventions, c'est-à-dire sans faire appel au marché des capitaux. On voit très bien qu'il y a un boom extraordinaire dans le secteur de la santé dans les années 50-60. On crée tous les CHU, les liens avec les universités, tout ce qui est psychiatrie. Enfin, ce sont des investissements gigantesques qui ont lieu pendant une quinzaine, une vingtaine d'années à grande échelle. Et tout ça est financé quasiment sans recours au marché des capitaux, par subvention de l'emploi. Ce qui fait que les hôpitaux, à cette époque-là, par exemple, ne sont pas endettés du tout. C'est seulement depuis que le patronat, puis l'État a repris en main la gestion de tout ça, que les hôpitaux sont endettés, par exemple. René ? Oui, une question peut-être. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu la différence entre justement le salaire à vie et d'autres propositions comme le revenu de base, le revenu universel, enfin tout ce qu'on peut entendre? D'accord. Alors le revenu de base connaît des dizaines et des dizaines de formes différentes, de propositions qui vont des partis sociaux-démocrates jusqu'aux partis de droite, même qui ont des propositions en ce sens. Donc il est un peu difficile pour moi de les résumer, il y en a tellement. Oui. Mais elles ont toujours quand même un principe à peu près commun. D'ailleurs, elles ont un point commun, un seul, avec le salaire à vie, c'est que ce sont des droits inconditionnels qui sont proposés. Dans les deux cas, c'est inconditionnel. Il n'y a pas à justifier quoi que ce soit de sa situation pour y avoir accès. Par contre, la différence, c'est que les différentes formes de revenus de base perpétuent le capitalisme, ne changent rien à la propriété lucrative. Nous sommes toujours dans la subordination à un employeur au travail. Enfin, il n'y a absolument rien qui change. C'est comme si on avait tous un RSA et qu'on essayait d'avoir un peu, de temps en temps, un petit boulot par-ci, par-là, précaire, avec des contrats courts en général, pour joindre les deux bouts. Voilà. Disons, on nous on n'est pas reconnu en tant que producteur, si vous voulez. Oui, c'est ça. Voilà. Les employés, les travailleurs ne dirigent pas la production, ne prennent aucune décision, ils sont subordonnés. Ce qui nous amène peut-être à parler un peu justement de la différence à souligner entre salaire et revenu. Ah, totalement, oui, effectivement. Alors là, c'est un point très très important pour nous, à Réseau Salaria. D'ailleurs, on s'appelle Réseau Salaria, c'est vraiment pas innocent. C'est un choix bien pensé, bien conscient. Donc, c'est l'histoire du salaire. Nous estimons qu'à partir de 1910, quand les ouvriers ont enfin obtenu l'institution du contrat de travail, ils ont institué le salaire à la qualification qui nous reconnaît en tant que producteurs à un certain degré dans la chaîne de production. C'est un rude débat avec le patronat pour décider que tel poste de travail, c'est par exemple le niveau 2 de qualification, tel poste, etc. Mais c'est déjà, pour le travailleur, la reconnaissance de sa participation à la production de valeur. Ce qui est complètement différent avec le salariat de l'époque de Marx, qui n'a pas connu le salaire à la qualification ni le contrat de travail. Quand Marx parle de salariat, lui, il parle de l'état pur et brut du capitalisme qu'il a connu en son temps, qui est une forme de précarisation absolue du travail. C'est le travailleur libre sur un marché, oui. Voilà, qui est totalement soumis aux aléas de ce marché, et là qui n'a aucun droit, par exemple aucun droit à la retraite, à la maladie, à ou à des congés, etc. Enfin, il n'a aucun droit. Tandis qu'à partir de 1910, on va rentrer dans le contrat de travail, on oblige le capitaliste, le donneur d'ordre, à devenir employeur. Ah, bien sûr, aujourd'hui, on critique l'emploi. On a envie d'en sortir maintenant de l'emploi. Mais c'est une étape importante de l'histoire qui se fonde donc sur le salaire et non sur le revenu. Le revenu, ça peut être le revenu d'un capital, ça peut être le revenu d'un loyer. C'est un terme fourre-tout très très large qui ne reconnaît pas forcément du travail. Alors le loyer, par exemple, vous me payez un loyer pour un logement, il n'y a pas de travail. Je veux dire, je n'ai pas travaillé, moi le propriétaire de ce logement, ni vous, dedans, dans l'appartement, enfin c'est... Le revenu, c'est un mot beaucoup trop large, quoi. Tandis que le salaire, c'est vraiment la reconnaissance d'une production de valeur par un travailleur. Donc le terme est très important. Voilà. Donc à partir de 1910, c'est le contrat de travail et le salaire à la qualification. Il va y avoir tout ce qui va suivre. Ça va être le droit du travail. Tandis qu'avant, sous Marx, à l'époque de Marx, on est dans le droit du commerce. C'est complètement différent. Ah oui. Là, il y a le droit du travail qui apparaît, les cotisations sociales, les conventions collectives, etc. Mm-hmm. Voilà. Didier. Oui, j'ai sous les yeux donc un texte de l'économiste atterré Henri Sterdignac, donc oui. Je suppose que vous le connaissez. Bon, il fait donc quelques considérations, quelques critiques sur le sur ce qu'on appelle le système Friot. Bon, c'est quand même assez saignant, quoi. Oui, il est assez. Il termine en disant Gourou illuminé ou Marx des temps modernes. Bon, enfin bref. C'est pas spécialement sympathique. Enfin, moi, je retiendrai trois objections qui me paraissent quand même assez solides. Donc, d'une part, comment on met en place un tel système ? Parce que c'est quand même une révolution quasiment anthropologique. Hein. Donc, c'est quand même une... Est-ce qu'on le met en place par l'éducation populaire, simplement ? Ou par... Est-ce qu'on fait la révolution ? Enfin, c'est tout un... C'est quand même une question qui me paraît fondamentale. Ensuite, il parle aussi des retraités comme des actifs, c'est-à-dire que bon, oui. Un retraité surveille, enfin, va garder ses enfants, va agir dans une association, va faire du vélo. Bon, tout ça, on estime que c'est de l'activité et que ça doit être rémunéré à ce titre. Et ensuite, une troisième objection sur ce qu'on a, bon, on le verra peut-être plus tard, mais enfin, les conseils salariés qui sont là pour normalement déterminer le niveau de qualification, enfin, des tas de choses dans l'entreprise. Et comment ces conseils salariés fonctionnent et est-ce qu'il n'y a pas un risque de corporatisme dans leur prise de décision? Par exemple, des salariés de l'automobile seront évidemment favorables à un productivisme dans ce domaine, alors que d'autres secteurs pourraient... comment on concilie un peu l'intérêt général dans tout ça, quoi. C'est D'accord. Les trois questions essentielles qui sont posées. Alors là, je les reprends dans l'ordre. La première, donc, c'est la mise en place du salaire à vie. Mmh. Eh bien, écoutez, la réponse est simple. Le salaire à vie existe déjà massivement. Bien sûr, nous en sommes rarement conscients. Il n'en est jamais question dans les grands médias ni nulle part. Mais il y a déjà à peu près en France, dans les différentes formes de salaire à vie que nous avons su conquérir par les luttes, il y a actuellement à peu près 17 millions de personnes qui perçoivent une forme de salaire donc à la qualification personnelle. Bon, il y a la partie des titulaires de la fonction publique. Il y a une partie seulement que nous comptons des retraités. Sinon, nous irions beaucoup plus loin que 17 millions. Et ainsi que le droit à carrière dans certains secteurs du privé, notamment dans la métallurgie, la banque, etc. Il y a des formes qui sont quasiment des salaires à vie. Et puis, il y a aussi dans les entreprises nationalisées d'après-guerre, comme la SNCF, ou la SNCF, ou l'EDF par exemple. Donc on estime que c'est des travailleurs à statut. Là, il y a des travailleurs à statut qui ont un statut salaire à vie. Donc il y a déjà un tiers, disons, des plus de 18 ans, qui perçoivent un salaire à vie. Donc le déjà-là, c'est effectivement l'outil de la cotisation sociale qui est centralisé dans des caisses. Les caisses de salaire dont parlait Ludovic dans son introduction, elles existent déjà d'une certaine façon. Ce sont les caisses d'assurance maladie, les caisses de retraite. Voilà. Donc il y a le déjà-là, il faut simplement l'identifier, en prendre conscience, l'analyser, voir comment il a fonctionné, même aussi, pourquoi pas, quelles sont ses faiblesses, comment il a été attaqué par la suite, par le patronat et par l'État. Mais le déjà-là, ce n'est pas suffisant, on vise quand même l'extension de tout ça. Bien sûr, alors donc le déjà-là, il faut s'appuyer dessus, bien le comprendre, pour l'étendre, pour essayer de l'élargir à d'autres secteurs. Par exemple, un des axes travaillés fortement actuellement, et qui a un certain écho dans la société, par réseau salariat, ce serait une sécurité sociale de l'alimentation qui permettrait de remettre des paysans au travail par, j'ose le dire, par la carte vitale alimentaire. Voilà, donc c'est la carte vitale alimentation. Nous aurions des unités de compte pour tous les citoyens, et là c'est même pour les enfants, hein. C'est vraiment pour toute la société. Pour avoir des unités de compte, disons, une monnaie, ce serait une monnaie en nature, disons, qui permettra d'aller dans des lieux conventionnés, de même qu'actuellement on va dans des lieux conventionnés pour la santé, ils sont conventionnés par la sécurité sociale, par les régimes, et bien là il y aura un système qui ressemblerait, qu'il faut étudier de plus près pour le calibrer comme il faut, mais chaque citoyen tous les mois aurait droit par exemple à 100, 150, 200, je ne sais pas, unités de compte pour aller dans des épiceries, dans des restaurants, dans des lieux d'alimentation, pour y avoir accès avec sa carte. Et de l'autre côté, les producteurs, les paysans, les transporteurs, les restaurateurs, eux seraient salariés à vie avec un salaire à la qualification personnelle, de même qu'aujourd'hui, une infirmière du service public a un salaire à vie, à la qualification. Il y aurait le même système pour un paysan, pour un restaurateur. Donc là, par exemple, c'est un pourcentage du PIB assez élevé, hein. Bon, la santé, c'est un peu plus de 10% déjà. Mais ce secteur-là est assez énorme également. Et là, c'est affronter l'agro-business, c'est affronter Auchan, Carrefour, McDo et tout ce qui s'ensuit, quoi. Voilà, donc Esther Dinec parle aussi de la motivation des salariés qui sont dans le statut du salaire à vie, quoi. Pour faire des travaux pénibles, pour faire les travaux les plus... Oui, bien sûr, oui. Ça, c'est un sujet classique. C'est une objection aussi. Effectivement. Alors, il y a plusieurs outils possibles. Là, on se projette dans une société dans laquelle on serait déjà parvenu au salaire à vie, disons pour tous, qui serait institué. Et non pas encore dans un salaire à vie partiel au milieu d'une situation capitaliste. Et effectivement, il y a une part de la production, a priori, qui est moins stimulante pour les travailleurs. Quoiqu'on est parfois surpris quand on interroge, par exemple, les éboueurs, ils sont fiers de leur travail, ils gagnent bien leur vie. Nous en avons une image fantasmée. On l'a entendu, quand on était petit, tu ne travailles pas à l'école, tu seras éboueur, enfin, terrible. Mais en fait, quand on écoute les éboueurs, ils savent l'utilité sociale de leur travail. Ils en sont très, très fiers. Et ils savent que s'ils font grève, c'est la catastrophe. À la limite, c'est presque plus utile qu'un médecin. Enfin, c'est tellement un problème sanitaire qui en découle, sont tellement graves. Donc ils sont fiers de leur travail en général. Et ils ont une situation salariale satisfaisante. Donc déjà ça, faut remettre ça à plat, mettre nos fantasmes aussi parfois de côté. Et ensuite, il y a plusieurs outils possibles pour être sûr en fait, d'avoir assez de candidats à ces postes-là pour travailler à des tâches donc on vivra comme pénible. Aujourd'hui, si ces gens-là font ce travail-là, c'est parce qu'ils sont contraints. C'est quand même, faut le rappeler, quoi. Il y a quand même donc beaucoup de nos camarades travailleurs qui font un métier pénible et sous la contrainte, ils préféraient faire autre chose. Donc voilà. Donc le problème existe déjà dans le capitalisme. C'est ce que je veux souligner. Simplement, il est réglé par la force, par la menace, l'exclusion, quoi. Bien là, il faudrait le régler par des manières beaucoup plus douces. Donc nous avons la possibilité numéro un qui d'utiliser cette fameuse échelle de salaire de qualification, qui donc modifie également le salaire dans l'échelle qu'on va fixer de 1 700 à 5 000 euros, par exemple. Si certains postes de travail manquent de candidats, on en manque de travailleurs dans certains secteurs, eh bien une progression plus rapide et un niveau de qualification plus élevé peut être une motivation assez forte pour occuper ces postes-là. Une deuxième solution serait un peu à contraire de nos idées quand même, puisque nous sommes plus pour le travail vivant que pour le travail mort des machines, mais certains travaux pénibles peuvent être mécanisés. Parfois, ils ne le sont pas dans le capitalisme, alors qu'ils pourraient, mais pour d'autres raisons. Donc ça, peut-être que c'est possible, cas par cas, c'est à étudier. Et enfin, il y a une troisième voie de... Il y a une troisième voie possible qui est tout simplement la voie de la citoyenneté. On pourrait partager ses tâches collectivement. C'est-à-dire que personne ne soit contraint de faire toute sa vie ces mêmes tâches pénibles, mais que chacun le fasse une heure par mois. Enfin, vous voyez, un petit peu genre d'organisation, pourquoi pas. C'est une autre solution qui est envisageable, mais nous, nous ne tranchons pas ces questions-là. Nous estimons que c'est à la démocratie économique, aux citoyens, d'en débattre et de trancher ces questions-là. Et sur la question des retraités, qui pose donc la question du... de l'activité, du travail... Alors, sur la question des retraités, c'est le dossier le plus chaud de tous. Je vais le prendre à l'envers. Effectivement, les travailleurs ont lutté pour le droit à la retraite, parce qu'effectivement, dans les conditions du capitalisme, le travail est souvent très très dur. Les journées de travail sont énormes, les corps sont usés, fatigués, et qu'on estime qu'arrivé à un certain âge, il faut qu'on puisse lever le pied. Et donc, dans le capitalisme, à partir d'un certain âge, on ne fait plus rien. On n'a plus aucune responsabilité, on fait du tourisme et on regarde la télé. Et voilà le projet anthropologique du capitalisme. Nous voyons que, en fait, le capitalisme exclut, c'est un principe d'exclusion des travailleurs. On est trop jeune, on est exclu, on est trop vieux, on est exclu, on a 40 ans, on est trop vieux, on est sans arrêt susceptible d'être licencié, on a sans arrêt justifié de ces... On doit quémander ce travail, on doit essayer de s'insérer dans ce truc-là, et puis on va, une fois qu'on est dedans, on va l'écraser pour ne pas se faire éjecter, et puis de toute façon, on va arriver à 65 ans, on est trop vieux, on a un déchet, on dégage. Donc il s'agit de sortir de ça, et de dire que, de poser anthropologiquement, ce qui est très fort, ce qui est un saut qualitatif anthropologique très très fort, de poser chacun comme responsable et producteur de valeur économique à partir de la majorité, quelle que soit son activité. Ce n'est pas déconnecté de son emploi. L'emploi n'existe plus dans le salaire à vie. Il n'y a plus d'employeur, c'est fini. C'est déconnecté du travail concret qu'il effectue. Voilà. Alors, si ce qu'il fait concrètement n'entre pas dans ce que la société aura décidé qui est de la valeur économique, et donc avec un niveau de qualification, des grilles, comme il y a eu dans les conventions collectives, si ce qu'il fait, c'est autre chose, il aura malgré tout au moins le premier niveau de qualification qui est d'emblée accordé à tout adulte, à la majorité, voilà, parce qu'on reconnaît d'emblée qu'il produit de la valeur d'usage dans la société. Voilà. Donc, il a pu à justifier. En fait, il y a une déconnexion totale entre ce que je fais et mon salaire. Et à partir de ce moment-là, excusez-moi, je termine, c'est ça aussi qui me permet, sur le lieu de travail, d'avoir mon mot à dire, de ne pas avoir peur de dire ce que j'ai à dire, de participer aux décisions, de ne pas avoir peur de me faire licencier, etc. D'accord. Petite pause musicale avant de reprendre nos débats. Ça n'est pas un métier peinard de faire travailler les gens. J'ai même lu dans un canard que c'est l'un des plus fatigants. Si c'est vrai, soyons grands seigneurs, on n'a qu'à les débarrasser. Plus besoin d'avoir d'employeur quand on est tous des salariés. Salaire à vie. Il nous faut relancer l'emploi, disent-ils à la télévision. Même sur les tracts des syndicats, c'en est une vraie religion. Moi ce que j'aime c'est le jardinage, et pour ce qui est de jardiner, depuis que je suis au chômage, j'ai jamais autant travaillé. Salaire à vie. Salaire à vie pour l'immigré qu'a fait l'effort de venir ici. Si le droit du sol est institué, plus besoin de toute cette paperasserie. Et pour les travailleuses du sexe, puisqu'on nous dit que c'est leur choix, on verra combien il en reste avec 1500 balles par mois. Salaire à vie. Adieu McDo, adieu Uber, adieu Mittal et Sanofi. Si tu veux cuire des hamburgers, t'auras qu'à ouvrir ton boui-boui. Il me semble qu'il sera pas bien sorcier de faire que le monde soit meilleur si l'on travaille à notre idée sans l'aval de nos grands seigneurs. Ça a l'air à vie. Et les poubelles, qu'en fera-t-on si l'on reçoit tous un salaire? Est-ce que tu te poses la question chaque fois que tu passes la serpillière? Et si c'est mon tour trois fois l'an, c'est quand même pas la mer à boire. Ça me fera rencontrer des gens, moi je veux bien conduire le camtar. Ça a l'air à vie. On file pas un revenu de base à 450 balles par mois, parce que le revenu de base, les capitalistes, ça les ravit. On écoutait Maxime Goubin sur une reprise de Gorilles de Brassens. René, est-ce que tu as une... Oui, une justement. Ce dont on vient de parler, ça suppose une redéfinition de notre notion de valeur. Enfin, c'est un peu aussi un changement de notre vision des choses, enfin de la majorité actuellement, enfin des gens. On gomme la différence en fait entre travail marchand et non marchand. Tu peux. Oui. Alors la notion de valeur. Dans le capitalisme, la valeur économique est liée au fait que je suis sur un poste de travail qui va faire fructifier du capital. Voilà, là, il y a de la valeur d'un point de vue capitalistique. Or là, c'est de ça qu'il faut sortir. La valeur de ce que en éliminant le capital, nous allons garder une valeur économique qui n'est pas accumulable. Qui est que nous allons socialiser pour pouvoir prendre les décisions d'orientation de la production. Voilà. D'accord. Mais tout à l'heure, je voulais répondre, on n'a pas été sur les... J'ai pas fini de répondre avec la pause musicale sur les conseils. Vous appelez ça les conseils, nous on appelle ça les jurys de qualification. Les jurys de qualification, oui. Et effectivement, là, c'est le lieu... C'est le cœur politique... du système parce du salaire que le système est quand même très conseilliste, comme on disait. Oui, mais là où j'avais entendu dans votre question un début d'incompréhension, c'est sur le corporatisme. C'est ça, oui. À partir du moment où mon salaire n'est pas lié à mon résultat sur un marché, il ne va pas augmenter parce que j'ai du succès ou faiblir parce que c'est un échec. Je n'ai plus aucun intérêt corporatif à défendre. Là, il est évident que dans chaque branche d'activité, il y a une concurrence effrénée actuellement. Il y a des concurrences aussi entre branches d'activité. Enfin, c'est une concurrence généralisée. Et l'échec du voisin peut faire ma réussite. On est dans ce système-là actuellement. Mais dans un système, de toute façon, il n'y a pas de profit. Il n'y a plus de profit. La production n'est plus orientée pour faire du profit, pour faire de la valeur économique. Elle est orientée pour la valeur d'usage. On estime que cette production, elle est nécessaire, elle est utile, les gens ont la demande. Voilà. Donc déjà, il n'y a plus cette orientation globale de l'entreprise. En dehors des questions de profit, il y a peut-être des salariés d'un certain secteur économique qui estiment que leur secteur est plus important que... Voilà. Alors là, c'est après. Donc là, c'est le combat, disons, le débat fort, démocratique, on n'est pas d'accord, dans les jurys de qualification pour déterminer telle activité, telle responsabilité à tel poste de travail a plus ou moins de valeur que tel autre. Ouais. Alors dans l'absolu, c'est impossible à déterminer scientifiquement. Est-ce qu'une heure de cours de maths, ça vaut plus que 3 kilos de patates? C'est impossible de le déterminer. Il n'y a rien de scientifique qui permet de le poser. Donc c'est une décision politique. D'où débat, discussion, engueulade s'il faut. Mais ça, on a déjà connu. Tous les postes de travail de toutes les entreprises capitalistes dans le privé ont un niveau de qualification différent. Voilà, et c'est toujours discutable. On peut toujours le remettre en question. Peut-être que certains travailleurs à un certain poste estiment que leur poste, pour telle raison, pénibilité, responsabilité, technicité, il estime que ce poste a plus de valeur qu'un autre. Pourquoi pas? Il peut donc, le débat peut revenir. Mmh. Et puis nous avons aussi un déjà là dans le secteur public un peu plus développé, au niveau universitaire, etc. Il y a des jurys de qualification pour savoir si on va pouvoir accéder à tel poste dans une université, par exemple. Et donc il y a un jury de collègues qui va valider ou non un examen oral, etc. Enfin, et voilà, il y a des procédures qui existent déjà, alors qui ne sont pas forcément ce qu'on va défendre totalement. Il faut peut-être les revoir, les rediscuter, éviter peut-être les petites erreurs qu'elles peuvent se poser. Notamment, parfois, il peut y avoir des conflits d'intérêts. Si nous sommes des amis et que c'est moi qui vais vous juger... Voilà, ça risque de poser problème. Donc, c'est toutes ces questions-là de la démocratie qu'il faut résoudre. Mais on passe quand même d'une lutte contre des propriétaires lucratifs qui nous donnent des ordres, qui dirigent nos vies, là, à un jury, à des structures telles que les caisses, par exemple, ou telles que les jurys, où il y a des décisions qui sont prises démocratiquement, ensemble. C'est tout de même nettement plus apaisé comme... Il y a un élargissement du pouvoir de décision, on peut dire. Ah, complètement, voilà, oui. C'est-à-dire que le salaire à vie, c'est pas seulement le droit au salaire. C'est le droit à la prise de décision dans une entreprise, et aussi dans les institutions plus macroéconomiques telles que les jurys, les caisses. Chacun peut être amené à participer à ces jurys ou à ces caisses. Tout ça, c'est bien sûr, c'est à préciser dans le détail, et c'est quelque chose d'énorme à réfléchir. Hein. Et c'est pas une petite association qui va décider tout ça dans le détail. Hein. Ça, c'est une discussion collective. Voilà. Donc il y a l'idée que le travailleur, en fait, reprend une forme de souveraineté sur son travail. Je dirais même qu'il l'apprend, parce qu'il l'a jamais vraiment eu. Enfin, sauf peut-être, par exemple, dans l'Ancien Régime, le paysan ou l'artisan est très isolé. Bon, il maîtrise son travail quand même globalement, effectivement. Mais au niveau d'un collectif, on n'a jamais eu ça, quoi, vraiment, véritablement. Quoi. En tout cas, pas à grande échelle. Quoi. Et donc, est-ce que c'est lui qui décide aussi de l'organisation de son travail ? Oui. Et est-ce que c'est lui qui décide aussi des choix d'investissement de l'entreprise ? À supposer d'ailleurs que l'entreprise d'ailleurs existe encore. Parce que... Alors, oui, nous avons tendance plutôt à appeler ça une unité de production. Une unité de production, ça peut aller de une personne à plusieurs milliers, bien sûr. Alors, c'est quoi précisément la question ? La question, c'est de savoir si les travailleurs, donc les salariés, seraient amenés à choisir, en fait, à discuter sur le choix de l'investissement. Est-ce qu'on choisit plutôt telle chose ? D'accord, oui. Alors déjà, au niveau de l'organisation dans une unité de production, donc effectivement, là, c'est un débat entre ceux qui y sont. Ils ont la propriété d'usage des outils et des locaux, et ils décident de leur organisation, de leurs horaires par exemple, de leur poste de travail. Toutes ces décisions de la vie quotidienne du travail, ils la prennent ensemble. Ensuite, par exemple, quand on arrive à l'investissement, là ça concerne pas seulement cette unité de production, ça concerne quand même la société dans son ensemble. Donc par exemple, là les travailleurs de cette unité de production vont estimer qu'ils ont besoin par exemple d'une machine, d'un revenu de machine ou d'avoir un local supplémentaire, je ne sais pas, peu importe, d'un investissement assez lourd, donc qui excède. Et donc ils vont aller demander à une caisse d'investissement cette possibilité d'investissement qui va être discutée par un comité, par cette caisse, au niveau local la plupart du temps. Là, je vous parle de la production à l'échelle de, par exemple, de l'île métropole, il y aurait peut-être une caisse. Voilà. Ça peut être par branche d'activité ou par secteur géographique. Puis après, il peut y avoir des niveaux plus élevés pour des choses à l'échelle nationale, en réseau, comme la SNCF, c'est à l'échelle nationale, évidemment, par exemple. Mais donc là, effectivement, c'est une discussion avec une caisse d'investissement qui va en débattre de la nécessité de cet investissement. Alors, si on compare avec le capitalisme, dans le capitalisme, je vais voir un banquier. Il va dire oui ou il va dire non. Il a ce pouvoir à lui seul en tant qu'institution privée, tout de même, de me dire oui ou non. Donc lui, ce qu'il va dire oui, c'est parce qu'il voit la possibilité d'un profit. La valeur d'usage, il s'en fout. S'il voit que ça ne va pas rapporter de profit, il va dire non. Il va voir si je suis solvable ou pas. Et ensuite, il va m'endetter pour 20 ans. On voit, tous les travailleurs, ils vont travailler pour rembourser une dette, enfin, pas entièrement, pas les 100% de leur travail, mais une bonne partie. Tandis que là, il n'y a pas d'endettement, c'est une subvention. Il n'y a pas de remboursement, hein, une subvention. D'accord, on ne la rembourse pas. Chacun a cotisé, et, voilà, ça tourne. Quoi. Déjà. Ensuite, ce n'est pas une institution privée qui vise le profit, qui décide. Enfin, ce sont des citoyens, en fonction des besoins. Si, évidemment, si on veut créer une boulangerie alors qu'il y en a déjà 5 dans la rue, peut-être que la caisse d'investissement va dire non, on ne va pas investir pour une 6e boulangerie dans cette rue. Non, on ne va pas là, on va dire non. En gros, c'est que ça va plutôt être ça. Ça va être la valeur d'usage qui va être estimée pour voir si on fait ou pas cet investissement. Et en plus, c'est beaucoup plus démocratique par des citoyens et des producteurs et non par une institution privée, bancaire. Ce n'est pas la PNP, quoi. Il n'y a plus de BNP dans cette histoire-là. Quoi. Oui. Et je voulais dire, le rôle de l'État dans cette société, c'est... Voilà, j'attendais depuis le début cette question. Voilà, alors là, l'État, c'est un vrai problème. L'État, les gens y voient souvent une institution neutre qui a la fonction d'arbitrage entre des groupes sociaux qui, dont les intérêts divergent. Nous, nous y voyons au contraire une institution qui est toujours au service de la classe dominante, nécessairement. C'est son fondement historique, qui non seulement a le pouvoir, bien sûr, policier et judiciaire, mais également économique, par l'impôt, premièrement, et par en fait, la concentration de capitaux. Le premier investisseur français, c'est l'État. Hein, c'est... Voilà. Mmh. Et c'est, on voit comment il investit, on voit les choix qu'il fait, on voit bien que c'est bien les choix du capital qui sont mis en avant. Donc, et ça, c'est ma première partie de ma réponse. Et la deuxième partie, c'est que le déjà-là dont on a parlé tout à l'heure, qui représente tout de même, je dirais, environ 25% de l'économie française, qui est plus ou moins communiste actuellement, même si on n'en est pas conscient. Peut-être que les gens s'imaginent que le communisme, c'est le goulag et Staline. Mais non, c'est le régime de la sécu, le communisme. Et donc, c'est cette proportion de la production qui est déjà communiste. On l'a obtenue par la lutte syndicale, ouvrière, par la CGT, le PC de la grande époque, certes. Mais sans prise de pouvoir de l'État, jamais, quoi. D'ailleurs, la classe ouvrière n'a jamais eu le pouvoir d'État depuis deux siècles de capitalisme officiel avec l'État républicain. Quoi. C'est jamais, quoi. On n'a jamais eu le pouvoir, jamais. Donc, et pourtant, on a imposé le salaire à qualification dans le privé en 1910, on a gagné ça. Ensuite, en 1946, le régime général. On a un tiers de salariés à vie dans ce pays. Il faudra vraiment montrer ce déjà-là, le crier sur tous les toits, parce que personne ne le voit, je trouve. Donc, en fait, on a réussi à faire tout ça sans prise de pouvoir d'État. Donc, faut-il en faire un axe absolu? Faut-il se concentrer totalement, donner toute son énergie dans les élections? Ça me paraît très, très, très discutable. Je comprends les léninistes qui ont cette ligne. Effectivement, au niveau théorique, ça a l'air très, très cohérent, la prise de pouvoir d'État, etc. Mais le réel du XXe siècle nous raconte aussi autre chose, je trouve. Voilà. Didier ? Oui, une question aussi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de changement d'imaginaire ? Je veux dire, on parle de... Bon, Frédéric Lordon, par exemple, parle de communisme luxueux. Bon, il valide une certaine partie des thèses de Friot. Bon, on a quand même plus de 40 ans de néolibéralisme qui ont quand même façonné les esprits. Et là, c'est quand même un système qui change complètement... de logiciel pour parler moderne, mais qui enfin, est-ce que la question, c'est pas justement d'avoir un communiste désirable et quelque chose qui change complètement les imaginaires qui sont façonnés par le libéralisme? Oui, on pourrait mettre tout ce que vous venez de dire sur la catégorie hégémonie culturelle, qui est très très puissante. Le capital a entre ses mains l'école, les médias. Toute la culture, effectivement, il nous injecte ce poison de l'individualisme forcené, mmh. etc., de la consommation frénétique de tout et n'importe quoi. D'accord, effectivement. Et pourtant, malgré une telle puissance instituée au quotidien, jour et nuit, dans les médias, etc., moi, je vois autour de moi de la solidarité, de l'amour, de l'amitié, du partage. Et dès que des ouvriers arrivent, par exemple, à avoir le moyen de reprendre en scope leur entreprise, c'est très difficile, on remet tellement de bâtons dans les roues, les occasions sont rares, mais elles existent. Que font-ils? Une fois qu'ils ont passé la phase de stabilisation, où ça va, les comptes sont équilibrés, il ne faut pas oublier qu'ils sont toujours dans le capitalisme. Hein. Donc ils arrivent à trouver une situation à peu près stable. La première chose qu'ils font, c'est de réviser les grilles de salaire, c'est d'essayer d'avoir une production plus propre écologiquement. Par exemple, les Fralib sont exemplaires sur ce point, par exemple. Ils arrêtent de faire des tech, des produits chimiques par paquet de 12 et ils vont chercher des produits naturels pour le faire, par exemple. Voilà. Il y a des motivations. En fait, ça, c'est pas mort. On a l'impression que c'est indestructible. Anthropologiquement, il y a en l'homme, on nous a fait croire que c'était comment il s'appelle, le philosophe Hobbes, voilà, le Léviathan, l'homme est un loup pour l'homme, etc., etc. Mais en fait, on voit ça chez Kropotkin, même chez Darwin, à la fin de son existence, sans rendre compte qu'en fait, la survie de l'homme sur Terre, c'est la solidarité. C'est, voilà, c'est très très fort. C'est l'entraide, l'entraide. Et même dans un mode de production qui nous incite totalement au chacun pour soi, pleinement, quoi, qui en fait une propagande constante, malgré ça, toutes ces valeurs-là humaines existent encore très fortement dans la société. Par exemple, moi, nous sommes là, je pense, tous autour de cette table, en tant que bénévole associatif. Moi, je suis là, je me suis déplacé, je vous parle, je gagne zéro, quoi, j'ai aucun intérêt à le faire au niveau économique. Je ne suis pas motivé par mon intérêt égoïste économique. Je suis motivé parce que ce que je vous dis, j'ai envie de le voir advenir progressivement. Voilà, donc ce sont des valeurs autres que cet égoïsme libéral qu'on nous déverse tous les jours. Quoi. D'accord. Dans mon propos introductif, je pointais du doigt le fait qu'il y avait, manifestement, dans le modèle de Friot, il n'y avait pas l'abolition totalement du marché. Est-ce que tu peux peut-être revenir là-dessus ? Est-ce que quelle est la place du marché ? Il y a aussi la question de comment se fixent les prix sur le marché ? Parce que si toutefois il y a un marché, comment se fixent les prix ? Et puis comment on articule logique de marché avec une logique anticapitaliste et, est-ce que aussi dans ce modèle-là, il y a une espèce de planification ? Alors la planification renvoie à l'État, tu me diras, donc comme il n'y a plus d'État, il n'y a plus de planification. Mais voilà, toutes ces questions, est-ce que tu Nous voulons abolir deux marchés sur trois. Le marché des capitaux, c'est bien évident. Le marché du travail, ça c'est même j'aurais même dû le dire en premier. Le marché du travail, il s'agit de l'abolir totalement. Par contre, qu'il persiste, peut-être transitoirement pendant quelques générations, un marché pour certaines marchandises, pour certains produits de consommation courante. Effectivement, là, ça nous paraît tout à fait possible. Le marché est un bon allocataire. J'ai envie de pouvoir choisir entre différentes paires de chaussures, entre différents t-shirts, pas avoir un modèle unique. L'image un peu du communisme comme un uniforme généralisé de la société, c'est le contraire. C'est le règne de l'individu, le communisme, mais d'un individu qui repasse par le collectif. Qui ne croit pas qu'il peut le zapper comme ça. Nous sommes vraiment des êtres sociaux, intégralement sociaux, vraiment. Alors donc, il resterait une partie de la production, à mon avis, relativement faible, hein, si on a mis dans la gratuité le logement, l'énergie, l'alimentation. Enfin, ça commence à faire des gros secteurs. Hein. Il peut rester une partie du marché pour ce qu'on pourrait estimer, je mets le mot vraiment avec beaucoup de guillemets, ce qui est plus superflu dans la production, qui sera décidé déjà en tant que production par les travailleurs, par les assemblées de travailleurs. On peut garder donc un marché avec des marchandises à prix, comme cela existe actuellement. Simplement, actuellement, quand j'achète un produit, actuellement, je paye un salaire, je paye le salaire qu'il y a dans la marchandise, mais je paye aussi du profit. Donc là, simplement, ce sera un marché sur lequel... Quand j'achète un produit, je ne paye que du salaire, je ne paye que du travail. Parce que c'est un des slogans de mon association, Réseau Salariat. Seul le travail produit de la valeur. Dès qu'on vous fait surgir de la valeur d'autre part, c'est anguille sur roche. Voilà. Donc oui, une part qui serait donc sous forme de marché avec des marchandises. Alors peut-être qu'il peut y avoir aussi une forme de planification dans des secteurs, je dirais plus à l'échelle nationale. Effectivement, l'énergie, ça se planifie certainement. Mais je pense que c'est une question de concrétude. Une planification plus ou moins forte en fonction de secteurs où ça s'impose de toute évidence. D'ailleurs, les libéraux crient, se moquent de la planification, mais toutes les multinationales font de la planification à outrance. C'est évident. Quoi. Et qui dit planification dit État, non ? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là ? Alors là, je pourrais comparer, par exemple, État ou pas État, en revenant sur le régime général. Alors, le régime général de 1946, d'Ambroise Croizat, avec salaire à vie, des retraités, par exemple, ou des. du personnel de santé et du secteur public. Je ne sais plus où j'en étais. Il a été géré pendant 15 ans par les travailleurs eux-mêmes à travers leur syndicat, avec un système démocratique. D'ailleurs, c'est à cette époque-là qu'on a créé le premier système de santé au monde. Le meilleur système de santé au monde, il était géré entièrement par des travailleurs. C'était quand même 10 à 12% du PIB. C'est quelque chose de gigantesque. Non, je ne parle même pas ça. C'est même pas que ça. Ça, c'est que la santé. En fait, c'était un budget plus grand que celui de l'État. C'était géré par des travailleurs. Voilà. Donc, en fait, pourquoi penser forcément planification égale État ? Les travailleurs sont parfaitement capables de planifier des productions en fonction des besoins. Ils connaissent les machines, ils connaissent la productivité, ils peuvent avoir connaissance des besoins de la population, des circonstances concrètes de chaque production pour anticiper. Donc c'est ça, planifier, c'est anticiper, avoir un plan d'action sur un an, deux ans ou cinq ans. Ils peuvent très très bien le faire, même certainement mieux que l'État, puisque eux, ils sont devant les machines, ils connaissent le travail, c'est eux qui le font. Voilà. Donc la planification ne passe pas forcément par l'État. Peut très bien se faire, comme ça a été le cas dans le régime général, une gestion des travailleurs, quoi, tout simplement. Merci Xavier. En tout cas, on a quand même une idée un peu plus précise justement de tout ce que ça recouvre. On va passer maintenant à l'agenda d'attaque. Donc d'abord au plan national, bon, pour dire que la marche pour les libertés contre la montée des idées de l'extrême droite a été un grand succès le samedi dernier, samedi 12 juin. Donc la journée nationale des marches pour les libertés contre le racisme, le sexisme et les idées d'extrême droite, qu'elles soient propagées par la fachosphère, certains médias, le Rassemblement national, la droite ou le gouvernement, a constitué un grand succès. Les 150 initiatives ont rassemblé 150 000 personnes, dont 75 000 à Paris. Avec ce 12 juin, donc le camp de la liberté et du combat contre l'extrême droite est passé à l'offensive. Et nous allons le poursuivre tous ensemble. Une des suites sera à Perpignan, notamment avec le congrès du RN, les 3 et 4 juillet, face au congrès du Rassemblement national. Transparence fiscale des multinationales. Accord sur une mesure européenne inefficace. Le Conseil et le Parlement européen ont annoncé mardi 1er juin avoir trouvé un accord sur la directive transparence fiscale des multinationales. Mais comme nous le craignons, voire revoir les activités d'attaque du 29 mai, puisque j'en avais parlé, les amendements retenus dénaturent complètement cette mesure, la rendant inefficace. Le reporting pays par pays public est une mesure simple et essentielle pour lutter contre l'évasion et l'injustice fiscale, en obligeant les entreprises multinationales à publier des informations sur leur activité économique réelle et sur les impôts payés dans les pays où elles opèrent. Seulement, l'accord négocié limite la portée géographique du reporting. Les entreprises devront seulement rendre compte de leurs activités dans les États membres de l'Union européenne et dans les pays figurant sur la liste européenne des paradis fiscaux. Les ONG dénoncent un véritable échec dans la lutte contre l'évasion fiscale, comme le souligne d'ailleurs Lison Rebinder, la coordinatrice de la plateforme Paradis fiscaux et judiciaires. Donc, 15% sur les multinationales, donc au plan local. Donc le samedi 12 juin à Lille, marche pour les libertés et contre la montée de l'extrême droite, on l'a dit. Le 5 juin, c'était une manifestation contre l'élevage intensif et pour les solutions alternatives. Donc nous avons malheureusement pu tenir le stand. L'autorisation préfectorale étant arrivée très tardivement, les organisateurs n'ont pas eu le temps de prévenir toutes les organisations et nous avons toutefois participé au défilé. Et enfin, un point sur la gratuité des transports publics. Donc, une rencontre très positive. Donc, c'est toujours dans la lutte pour les transports gratuits à Roubaix. Une rencontre très positive avec les représentants du comité du quartier Moulin-Potainerie de Roubaix. Donc, les habitants du quartier se sont déjà mobilisés contre Ilévia pour l'amélioration de la desserte du quartier. Et notamment le rétablissement d'arrêts supprimés. Donc, il y a eu la proposition. ATAC a fait la proposition d'un partenariat avec eux. Ils vont relayer donc l'information, enfin toute la partie enquête, sondage, etc., avec leur journal local qui s'appelle Le Vilain Petit Canard. Et cet après-midi même, donc, on va assister à l'Assemblée générale du comité de quartier pour justement définir le partenariat qu'on va nouer avec eux pour reprendre nos activités sur la gratuité des transports. Eh bien, merci à tous et à la prochaine.